pasukan. À trop bénir les cordes des pendus, je perds le Seigneur comme un serpent mu. You know my Lord, wherever my Lord. À la banque, l'âme du shérif est noire comme l'encre. Petit vampire qui cherche à flatter mes ouailles, en leur jurant qu'il va chasser les racailles. You know my Lord, wherever my Lord is. When the flock is made of grumpy nerves, suis-je donc le gardien de mes frères? Dois-je en prêcher à vous que s'il devient maître? Alors ces gueux entassés dans leur nid de poule sont encore loin de ne plus vivre à genoux. You know my Lord, wherever my Lord is. So hard to be a shepherd. We'll be right back. 312 âmes. Nugget City, 312 âmes. Thank you.